et au vu des scènes, dans votre boîte aux lettres, dit c'est la vraie. J'y ai mis un papier, dit c'est. Il y avait deux personnes sur le mur de la véranda. On dit qu'ils auraient bien voulu entrer. Bien voulu entrer. À 17, j'étais dans les coins, vers Charade. Simplement.